breaking news sur tous les réseaux américains, là, ça vient de sortir. L'enfant de l'une des filles qui avait été kidnappée et gardée en captivité pendant 10 ans, là, Jocelyn, la petite fille de 6 ans, là, ouais. Ben son père, c'est bel et bien le crotté, là, Ariel Castro. Là. Donc, c'est test de paternité. Très spécial, là, que les deux frères soient pas accusés de rien. Là. Un peu bizarre. Mais lui, est-ce qu'il mérite la peine de mort? C'est dur de dire non. Mais en même temps, en le tuant, ça arrange quoi, là? Peut-être que le meilleur des châtiments, le plus grand châtiment, c'est pas de l'enfermer jusqu'à la fin de ses jours. Dans un trou, pas de lumière. Moi, je pense que c'est encore pire, ça. Moi, je pense que oui. Parce moi, que... je dis non à la peine de mort. Oui, à l'enfermement. Dans le pire trou que vous pouvez pas trouver dans l'Ohio. Dans la pire cochonnerie de prison, avec la pire privation de liberté. Parce que ça, c'est une torture. Ça, c'est un châtiment approprié. Parce que là, si on lui donne la peine de mort... C'est une délivrance. Le gars veut se suicider, sacrifice. C'est ça, il avait déjà laissé une note à l'intérieur, comme de quoi qu'il pensait se suicider. Il est sur un suicide watch, d'ailleurs. Il est surveillé, là, pour pas qu'il se suicide. T'sais, donc, tu le mets à suicide watch, parfait. Là. Tu payes un gardien qui est là, mais qui fait la ronde aussi. Tu le surveilles. Tu l'enfermes le restant de ses jours. Ce gars-là ne voit plus jamais la lumière, là.